1, 2, test. Ici, la NASA, man. Ici c'est BFC Mafia man, aka la Tchétchénie. À pompe c'est le front de tête, si déconne nous va Tchétchénie. Son Kafrina Tchatchali, après mi va Tchétchénie. Va sorte 4 pattes, c'est sans capote que ma Tchétchénie. Garde bien mon gueule, non, moi pas ton ami. Le son I, oh, fais des gars comme un tsunami. Amène please, pussy please, pussy please, pour nani. Assois ne faut tout en l'air, assois. La fin arrive, viens pour moi, boule, lili, c'est toute tête et crois mi t'es mort. Si mat le volet, vers un t'es calqué, il passe à témoin. Réfléchis bien, un deux fois, cette mythe, fait si ça témoin. Prends ça dans la face, allez en caisse, ça dans la fesse, ça donne. Politiques en moyenne, pas Enzo, toute sa morflée. Un peu trop dans mimite, un peu trop dans le bas morphé. Pour Zot, c'est la mort, c'est la bombe finalement, c'est difficile de les amorcer. Zot, ils écoutent, écoute, mais Zot, ils gagnent pas pourri mon vie. Continue quand ma Zot, fait que nourrit mon fils. Longtemps, fin dépasse le stade d'être novice. Nous, les qualifiés d'office, nous, avance de haine et ou recule de trois pas. Et là où, Vénites, les gars, nous m'y croient pas. Affole pas, vaut mieux baisser un croatie. Nous fuck toute bombe, la disca, la croatie. Fin arrive, viens pour moi, boule, lili, si toute tête et crois, mi t'es mort. Si mat le volet, vers un t'es calqué, il passe à témoin. Réfléchis bien, un deux fois, cette mythe fait si ça témoin. Prends ça dans la face, allez en caisse, ça dans la fesse, ça donne. Politique en moyenne, pas Enzo, toute sa morflée. Un peu trop dans mimite, un peu trop dans le bas morphé. Vous autres, c'est la mort, c'est la bombe finalement, c'est difficile de les amorcer. Le rythme, le wicked, me connaissez Santiago. Mais sont à moi bien comme un espagnol à Santiago. Bien à B.U. Ou crois pas de Montiago. Mota, mi metti un route, si mat super mota. Roule, sans boy dans la farine, roule banane dans la moutarde. Mais pour Nites, le premier trouve vraiment coûte à trop. Nous va ralentir un peu, se trouve que nous bomba trop. Ou guépi rattrape à nous là, finari n'arrive. Viens pour moi, boule, lili, si toute tête et crois mi t'es mort. Si mat le volet, vers un t'es calqué, il passe à témoin. Réfléchis bien, un deux fois, cette mythe fait si ça témoin. Prends ça dans la face, allez en caisse, ça dans la fesse, ça donne. Sans moyenne pas Enzo toute sa morflée. Un peu trop dans mimite, un peu trop dans le bas morphé. Vous autres c'est la mort, c'est la bombe finalement. C'est difficile des amorcer. Difficile des amorcer. La bombe finalement, c'est vous autres c'est la mort et c'est tout. Yeah. New generation me represent. Démon, mon maman. Ici c'est BFC Mafia man, a.k.a. la Tchétchénie. Yeah. Tu que tu es, new generation attack.